Vous écoutez France Culture. Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. L'histoire a des sources. Et c'est un très beau mot, liquide et poétique. Les sources sont la hantise de l'historien. Si elles lui font défaut, il lui faut en chercher d'autres, sous peine de renoncer à écrire l'histoire. Trop abondante, elle risque de le submerger. La densité des sources, leur nature, varie avec le temps et l'intensité de leur production et de leur conservation, mais aussi avec le regard de l'historien et les questions qu'il pose au passé, les voix qu'il souhaite entendre. Longtemps, l'historien a privilégié l'écrit, celui des bibliothèques et des archives. Puis, il a élargi son champ, englobé les objets et les lieux, suscité de nouvelles sources, orales par exemple. Aujourd'hui, il est confronté aux nouvelles formes de communication que sont la radio, le cinéma, la télévision, l'ordinateur, et qu'il ne sait pas toujours domestiquer. C'est ce chemin, ce cheminement de l'historien en quête de ses sources que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous, Evelyne Cohen et Philippe Joutard, experts en la matière. Evelyne Cohen, vous êtes professeure d'histoire et d'anthropologie culturelle du XXe siècle à l'ANSSIB de l'Université de Lyon. Vous avez publié un beau livre sur le Paris de l'imaginaire. Et puis vous venez de publier, avec Marie-France Chambat-Houillon, un numéro spécial de la revue Société et Représentation, printemps 2013, consacré aux archives et patrimoine visuel et sonore. Et ce numéro fait le point sur le dépôt, la conservation, la communication du patrimoine visuel et sonore que nous ne cessons d'accumuler. D'ailleurs, des affaires récentes nous ont aidés à prendre conscience de ce monde, en quelque sorte, et vous allez nous aider à y voir plus clair. Philippe Joutard, vous êtes professeur émérite à l'Université d'Aix-en-Provence et à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de l'histoire du protestantisme. Vous êtes un pionnier de l'histoire orale que vous aviez découverte et expérimentée pour vos recherches sur les Camisards. La légende des Camisards, parue chez Gallimard en 1977, est véritablement un classique. Et puis, un petit peu après, ces voix qui nous viennent du passé, publiées en 1982. Vous êtes, Philippe Joutard, très soucieux des problèmes de la transmission et de l'enseignement de l'histoire. Homme de terrain, vous avez été recteur et vous avez présidé la commission des programmes de l'enseignement primaire de 2002. Vous racontez d'ailleurs votre itinéraire dans un entretien avec Anne-Marie Granet-Abisset qui est paru dans le numéro de Société et Représentation dont vous venez de parler. Et alors, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Histoire au singulier et mémoire au pluriel, conflit au pluriel et alliance au singulier ». Histoire et mémoire, conflit et alliance. C'est paru à La Découverte dans une nouvelle collection qui s'appelle « Écriture de l'histoire » et collection qui est dirigée par François Doss et Patrick Garcia. Et ce livre est à la fois un témoignage sur votre expérience d'historien et une réflexion épistémologique sur les problèmes de la mémoire et de l'histoire. C'est donc un livre très riche, avec beaucoup de références, de notes et un souci constant de la dimension internationale. Ça, c'est tout à fait intéressant et important. Et vous montrez les enjeux, les débats autour de histoire et mémoire. Alors, c'est un petit peu ces trois aspects que j'aimerais que nous abordions. l'histoire orale, comment elle est née, les sources actuelles audiovisuelles, comment est-ce qu'on les accumule et comment on peut les conserver, et puis tous les problèmes justement posés par histoire et mémoire. Philippe Joutard, l'histoire orale dont vous êtes véritablement le créateur, hein, le pionnier. En France. Hein. En France, bien sûr, mais vous allez nous raconter ça. Justement, comment est-ce qu'elle a émergé? Elle a émergé non pas en France, car vous l'avez très bien dit, hein, et, l'historien était surtout centré sur l'écrit, et à plus forte raison, l'historien français, puisque dans le livre célèbre « Introduction d'études historiques » de Langlois et Seignobos, l'oralité était violemment rejetée comme quelque chose qui n'était pas fiable. Et ce n'est donc pas en France que l'histoire orale a démarré, mais outre-Atlantique, en particulier aux États-Unis, hein, d'une double façon. D'une part, un journaliste qui s'est rendu compte avec beaucoup d'intelligence que finalement, avec les moyens de communication, eh bien, on écrirait de moins en moins les comptes rendus et qu'il fallait donc, pour savoir ce qui s'était vraiment passé, interroger les témoins. Et puis, de façon encore plus intéressante, des sociologues, voyant les immigrés polonais au début du XXe siècle, et puis, au temps du New Deal, une gigantesque opération, peu connue en France, mais tout à fait connue aux États-Unis, c'est-à-dire que Roosevelt, pour en quelque sorte utiliser les étudiants, les intellectuels, avait décidé de faire une grande enquête auprès des gens sans, entre guillemets, sans histoire, les descendants d'esclaves, les petits blancs, et donc un certain nombre de gens se sont allés dans toutes les maisons et puis ont recueilli, à ce moment-là il n'y avait pas de magnétophone, par écrit, leur témoignage. Oui, Philippe Joutard, j'ai découvert cela, non pas le paysan polonais, qui est un classique que l'on connaît, absolument. Mais tout ce qui a été recueilli sur les esclaves noirs, j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait un... vous savez ça? Non, vous saviez je, ça je Evelyne, complètement, c'est... Oui. Non, et c'est quelque chose de tout à fait important, qui, bien entendu, a été un peu après fin du New Deal, et puis oubli, et puis renaissance très forte au moment de la lutte pour les droits civiques, dont on célèbre le 50e anniversaire. Évidemment, au moment de cette lutte, on a ressorti tous ces textes extrêmement importants qui se trouvent à la fois à la Bibliothèque du Congrès, mais aussi dans un certain nombre d'États. Et il faut ajouter qu'au point de vue même de l'histoire culturelle et intellectuelle américaine, c'est très important, puisque des gens comme Richard Wright, le romancier, comme Nelson Algren ou comme Steinbeck, ont été tout à fait au cœur de cette opération. Ça, c'est tout à fait passionnant, tout à fait intéressant. Je reviens sur ce que vous disiez avant. Pourquoi est-ce que les grands maîtres d'autrefois, Langlois, Seignobos, étaient réservés, voire hostiles à ce qu'on appelle maintenant histoire orale? J'ai envie de dire que parfois, il en reste un peu quelque chose. Non pas chez vous, Michel Perrault, mais je sens que un certain nombre de collègues ont beaucoup de peine à accepter. Mais je crois qu'il y a un peu une sorte de tradition française. Hein. Tradition française sur l'importance de l'écrit. Hein. Y compris la méfiance, par exemple, des régionalismes. Je crois que c'est un peu cela qui explique l'antiromantisme. Hein. Ne pas oublier que Langlois et Seignobos, en faisant leur histoire méthodique, ont voulu réagir contre l'histoire romantique à Michelet. Parce que Michelet, lui, par contre, hein, oui. Si on cherche des prédécesseurs, lui était attentif à l'histoire orale, à l'histoire du peuple, parce qu'il sait très bien qu'on ne pouvait l'avoir que justement par le témoignage, par la source orale. Oui. Et vous-même, Philippe Joutard, comment avez-vous, en quelque sorte, découvert l'histoire orale? Quelle est votre histoire de ce point de vue-là? Ben, écoutez, au départ, j'étais comme les historiens. Disons la sacralisation de ma génération, de l'écrit, c'est-à-dire l'écrit, hein, même si on pouvait divers types d'écrits. Hein. Et un jour, j'ai rencontré, dans un séminaire de littérature d'ailleurs, un pasteur, le pasteur Manin, d'origine cévenole, qui a joué un rôle très important, que j'ai connu qu'après, pendant la guerre, au triste camp des Milles. Hein, il a été l'aumônier au moment de la déportation des Juifs. Il a d'ailleurs écrit un journal qui vient d'être publié. Et alors ce pasteur Manin Sévenol m'a dit, mais vous faites un travail sur l'historiographie des Camisards, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, aussi bien catholique que protestante. Eh bien, pourquoi est-ce que vous n'allez pas interroger les paysans Sévenols ? Alors je dis, les paysans Sévenols ? Mais oui, vous savez qu'il y a une tradition orale. Inutile de vous dire que je n'en croyais pas un mot. Mais comme il insistait, et puis que ça m'amusait, un jour des vacances de Pâques 66, j'ai été dans un petit village de Saint-Jean-du-Gard, j'ai été voir le pasteur, et je lui ai dit, voilà, on m'a dit, un de vos collègues m'a dit qu'il existait encore une tradition orale sur les Camisards. Je pense qu'il s'illusionne. Et alors, ce pasteur, qui n'était pas d'ailleurs du coin, qui était suisse, m'a dit, mais si, vous savez, c'est encore quelque chose d'extrêmement vivant. Et vous allez voir. Et dès le lendemain, il m'a amené dans un certain nombre de masses sévenoles. Et là, effectivement, en une demi-journée, j'ai compris que ma conception même de l'histoire allait être transformée parce qu'il y avait une sorte d'histoire parallèle, d'histoire vivante, avec un aspect très concret, très familial, avec, bien entendu, toute une série de mythologies. Il fallait, comme pour, attention, le texte écrit au point de vue des faits, faire une analyse critique, mais qui m'apportait une autre vision de l'histoire. Et c'est comme ça, si vous voulez, que à partir de là, j'ai commencé à faire systématiquement cette tradition orale qui m'a permis de découvrir une véritable sensibilité au passé, une véritable mémoire partagée. Et puis, ensuite, il se trouve que ils m'ont parlé incidemment des Juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai continué mes enquêtes sur cette forme de résistance qui, à cette époque-là, n'était pas très à la mode. J'étais professeur à Marseille et quand un jour j'ai rencontré le mouvement ATD Quart-Monde, ils m'ont dit « voilà ce qu'on est en train de faire ». J'aurais dit « avec mon épouse Geneviève, eh bien, écoutez, on pourrait tâcher d'aller interroger les gens de grande pauvreté et ils ont certainement quelque chose à nous dire. » Et ça a été aussi une expérience très importante pour moi que de voir que ces gens, entre guillemets, estimés sans culture, complètement déstructurés, eh bien, avaient un discours parfaitement cohérent et qu'ils arrivaient à très bien, non seulement expliquer leur devenir, mais même à dire un peu, dans certains cas, leur tradition de l'extrême pauvreté. Oui, et l'histoire orale fait partie un peu des missions, en quelque sorte, que c'est assigné à TD Quart-Monde. Absolument, et d'ailleurs, parallèlement, ils l'ont fait aussi systématiquement. Et ils ont des archives. Et ils ont des archives extrêmement précieuses. Orale, très, très extrêmement précieuses, et qui ne sont peut-être pas assez utilisées par les historiens. Par les historiens, les sociologues. Parce qu'ils ont commencé leur enquête il y a à peu près un demi-siècle, et vous voyez ce que ça signifie au niveau de l'histoire de la France contemporaine, et au niveau de l'exclusion, et des mécanismes d'exclusion. Et encore une fois, pas simplement, on croit toujours que c'est, entre guillemets, des gens un peu extérieurs, des gens d'origine étrangère, et non des Français-Français, dans lequel une sorte, malheureusement, de transmission de l'exclusion de génération en génération. Oui, oui, et l'histoire orale permet justement de comprendre cette exclusion à travers le temps des familles. Absolument, tout à fait. Alors, vous avez publié La légende des Camisards en 1977. Vous dites que vos recherches étaient plutôt les années 67 par là, et la conjoncture des années 70, disons, pour aller vite, était, me semble-t-il, favorable à l'histoire orale. Tout à fait, parce que alors, c'est lié à un phénomène que j'étudie par ailleurs dans le dernier livre que j'ai publié, c'est-à-dire l'explosion des phénomènes de mémoire, que d'ailleurs a aussi tout à fait étudié Pierre Nora, mais explosion de mémoire qui s'accompagne de l'explosion des divers types d'identité. Identité régionale, identité, que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi, des femmes, c'est-à-dire toute une série de groupes différents qui n'avaient pas la parole, non seulement la prennent, mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'opinion s'intéresse, au-delà d'ailleurs des historiens, et les historiens ne sont pas les premiers. Hein, ce sont les romanciers qui s'y intéressent, ce sont les journalistes qui s'intéressent. C'est l'époque où, d'ailleurs, à la télévision, il y a toute une série d'émissions, hein, Pénaud et Alfonsi, par exemple, à partir de la source orale, à partir de ce type d'enquête. Le Braque, c'est un haut plateau. Un haut plateau qui est certainement très vieux, géologiquement parlant. Oui. Qui a été terriblement érodé, rongé par les glaciers. Et c'est ce qui fait que ce plateau est livré à tous les vents. Et en plus, il y a un enneigement important. Et alors, ce plateau, voyez-vous, le climat est absolument affreux. Il est torride l'été et il est sibérien l'hiver. Je me souviens très bien qu'au Braque, il y a, je ne sais pas vous dire, 25 ou 30 ans, il y a quelqu'un qui était mort au Braque. On n'a pas pu l'enterrer. On l'a gardé 2 mois derrière la porte de l'église. Evelyne Cohen, vous... La première chose que vous avez dite, Philippe Joutard, c'est sur la question de la légitimité. Je pense aussi qu'il y a encore beaucoup de résistance à l'utilisation de ces sources, que ce soit les sources orales ou encore les sources audiovisuelles dont je m'occupe un peu plus. On va y venir tout à l'heure. Voilà. Oui. Pour les années 70, il y a aussi l'idée que les gens du peuple ont une voix à laquelle on est plus réceptif. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui me semble importante. Je crois d'ailleurs que de ce point de vue-là, vous avez évoqué les années 70, je crois qu'il faut relier ça évidemment à l'année 68, au mouvement de 68, qui ne sont pas simplement français. Là encore, on est toujours enfermé dans l'hexagone. Hein. L'importance, par exemple, aux États-Unis, dans les campus américains. Hein. Importance un peu partout dans le monde. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne aussi. Hein. Et d'ailleurs, en Grande-Bretagne, ils ont été aussi précurseurs sur l'histoire orale, avec des workshops, des ateliers, avec les militants syndicaux sur l'histoire ouvrière anglaise. Oui, dès que les mines se fermaient, il y avait le désir de conserver la mémoire des mineurs. Hein. Tout à fait. Aussi bien les objets que les récits, que l'histoire orale, ça a été une espèce de compensation, enfin, absolument. On peut pas... Et d'ailleurs, compensation mémorielle, disons, oui. Tout à fait. Et là, je crois que vous évoquez une autre raison de ce surgissement des années 70, c'est qu'un peu partout, il y a un monde qui est en train de disparaître. Voilà. La conscience de ce monde. Conscience de ce monde en train de disparaître. Mmh. Alors, vous avez évoqué les mines en Angleterre, l'ancien monde industriel. En France, c'est l'ancien monde paysan. Nous sommes à la fin de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, cette mutation complète des campagnes, où les paysans deviennent des producteurs, le développement de l'agriculture, entre guillemets, productiviste. Et 10-15 ans plus tard, l'industrie, qui commence à battre de l'aile, comme on le sait, et alors on verra se multiplier les écomusées de l'industrie, comme celui du Creusot. Enfin, il y a toute une suite comme ça qui est très intéressante. Il y a aussi, me semble-t-il, des facteurs politiques. Par exemple, tout ce que vous dites sur le rôle de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, le fameux IHTP, que présidait à un moment donné, dirigeait plutôt, François Bédarida. Pourquoi est-ce que ça les a tellement intéressés? Je pense que François Bédarida, d'abord, ne pas oublier que sa spécialité d'origine est le monde britannique. Et par conséquent, forcément, il était en rapport avec l'histoire anglo-saxonne qui, dès cette époque, utilisait beaucoup l'histoire orale. En deuxième lieu, il était donc à ce moment-là extrêmement sensible au fait que les archives écrites de cette époque ne rendait pas complètement et tout à fait compte de la réalité. C'est l'époque, d'ailleurs, où Dominique Schnapper avait lancé une grande enquête sur une institution qui, par excellence, mouline du papier, la Sécurité sociale, et où elle montrait très bien qu'on avait une autre vision des choses. Et c'est de ce point de vue-là que... il y a eu une conjonction. Oui, il y a eu une conjonction tout à fait intéressante. L'Institut d'Histoire du Temps Présent, la définition de histoire du temps présent qu'il donnait à l'époque, c'était une histoire sous le regard des témoins. Hein. C'était véritablement l'idée que les témoins pouvaient contrôler l'histoire qui était en train de se faire et de s'écrire. Oui, oui. Avec les débats qui ensuite ont eu lieu, qui ont été considérables. Il est tout à fait intéressant, et vous le racontez très très bien, de voir comment quelqu'un comme Daniel Cordier, qui est un, par définition un grand témoin, un acteur et un grand témoin, enfin, chacun le sait, tout ce qu'il a écrit sur Jean Moulin et ses propres mémoires, etc. Et pourtant, il est lui-même actuellement, me semble-t-il, réservé. Mais oui, c'est la contradiction. Il est d'ailleurs dans une pleine contradiction. Parce que d'un côté... et en particulier dans une séance que je raconte, très clairement, il met en cause ce qui avait été fait avant au point de vue d'histoire de la résistance, en disant c'est une histoire qui n'est pas sérieuse parce qu'elle est fondée sur les témoins. Et Laurent Douzou a très bien montré qu'à la fois, en effet, il a utilisé des archives, il a montré qu'il y a, et ça c'est très positif, l'importance des archives, mais en même temps, il utilise quand même des témoins. Et à la fin de son introduction, il explique bien que pour comprendre ce monde de la résistance, eh bien, d'une certaine façon, rien ne vaut que l'écoute des gens qui l'ont vécu. Je crois que c'est un homme qui est partagé. Mais il a une influence de ce point de vue-là, pas, m'excuse de le dire, peut-être un peu gênant, mais pas forcément positive. Parce que lui, je crois qu'il a très bien manié les deux, l'oral et l'écrit. Mais après lui, un certain nombre d'historiens qui, comme vous l'avez souligné, ont toujours beaucoup de réserves, se sont appuyés sur Daniel Cordier pour continuer cette réserve et disqualifier toujours et totalement la source orale. Oui. Evelyne Cohen ? Il me semble que, aussi dans les années 80, est intervenu un autre phénomène. En même temps que Cordier prenait cette position, etc., c'est le négationnisme. C'est-à-dire que, justement, on avait l'impression que la parole des témoins, finalement, elle devenait fragile et qu'il fallait prouver par d'autres moyens les plus durs possibles, les sources les plus résistantes, on peut dire, justement, les faits, ce qui s'était passé. Oui, tout ce qui est tout écrit. À fait. Vous avez complètement raison. Je crois que le problème de la crise du négationnisme a montré de façon très précise la nécessité, je crois, du croisement des sources. Voilà. Ce que nous disons tous en histoire orale. Attention, hein. Évidemment, le mot d'histoire orale est un peu impropre, d'une certaine façon, parce que ça n'est jamais de l'oral pur et qu'il faut de toute façon contrôler l'oral par l'écrit. J'ajoute que le mot archive n'est pas plus satisfaisant, hein, puisque de toute façon, elles n'ont pas du tout le caractère d'archives, puisqu'il y a une autre subjectivité qui intervient, celui qui interroge, la personne qui interroge. C'est d'ailleurs la critique qui est faite souvent à l'histoire orale, c'est que déjà les documents sont subjectifs, mais en plus de ça, vous ajoutez une autre subjectivité. Oui, alors en somme, on pourrait dire que ce sont des écrits oraux, sont des documents complémentaires. Absolument. Et peut-être qu'on ne leur demande pas la même chose, au fond. Tout à fait, hein. Exactement. Si on veut établir une chronologie des faits précis, on va quand même chercher, effectivement, dans les archives, les bibliothèques, tout ce qui est écrit, qui conserve une certaine sacralité. Mais si l'on veut comprendre les ressorts d'une action, avoir le sentiment, comprendre les sensibilités, le témoin est irremplaçable, évidemment. Vous avez tout à fait raison, car, alors là, et je l'ai souvent expérimenté, il y a un point où l'oral est extrêmement fragile, c'est dans la datation, hein, y compris chez des gens très cultivés. Hein. De ce point de vue-là, qu'est-ce que l'on retient ? On retient des images. Par conséquent, on va peut-être retenir que ça s'est passé un dimanche, mais on va certainement se tromper dans la date. Oui, ça c'est très fragile en effet. Et ce que vous racontez, c'est que après la mort de Bédarida, à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, ils ont plutôt désinvesti ce champ. Je le regrette. Nettement. Et du côté de l'histoire des femmes, où ça a été très important, quelqu'un comme Daniel Volman a fait beaucoup pour le développement de l'histoire orale. Il y a eu aussi, à un moment donné, l'idée que... Il y a eu des publications formidables. Absolument. Pense à Anne Roche, celles qui n'ont pas écrit. C'est vous qui la connaissez bien. Ah oui. Anne Roche est extraordinaire, hein, avec sa sa collègue, elle a mis tous les étudiants au travail. J'ai eu la chance de participer à cette entreprise. Les étudiants et les étudiantes allaient rencontrer un certain nombre de femmes de la région marseillaise pour expliquer comment elles avaient vécu l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre, les mères, les grands-mères. Et ça aboutit à des choses étonnantes. Oui, le livre publié en 95 ou 96 par les éditions Actes Sud ou Édisud plutôt. Édisud. Édisud, et qui vient justement, au fond, ça vient un peu avec vous, ça. Ah, tout à fait, c'est oui. Absolument. Ex-Marseille. C'est cette sorte de grand groupe qu'on avait constitué avec des littéraires, des linguistes, des ethnologues. Pluridisciplinaire. Oui. C'est tout à fait intéressant. Aujourd'hui, Philippe Joutard, où en est-on sur le plan de l'histoire orale, d'après ce que vous pouvez savoir? Et vous-même, est-ce que vous avez l'occasion de participer ou de voir des expériences actuelles? Je crois que Evelyne Cohen peut répondre aussi bien que moi, mais déjà, je donnais un peu mon point de vue, disons, entre guillemets, permettez-moi l'expression d'ancien, je crois que j'ai un bilan mitigé. Je suis très frappé de voir que les personnes qui s'investissent dans l'histoire orale, ce ne sont pas forcément le cœur des historiens. Ça se situe à la périphérie. C'est-à-dire, par exemple, les archivistes. Il y a un très gros travail fait par les archivistes, aussi bien municipaux que départementaux, mais aussi des grands ministères. Le ministère de la Défense, qui a été pionnier, fait beaucoup de choses, le ministère des Affaires étrangères. Il y a le point de vue, bien entendu, des ethnologues ou des sociologues qui continuent, le point de vue des historiens de la communication. Tous ceux qui s'intéressent à l'audiovisuel, ils s'investissent bien. Mais au point de vue des historiens, j'ai envie de prendre cette expression pure, ça reste limité. Il y a quelqu'un que connaît bien Evelyne Cohen, Anne-Marie Granet-Abissé, qui à Grenoble a un grand centre. Et qui fait beaucoup de choses, mais elle est relativement isolée. Il y a Florence Descamps, mais vous voyez, Florence Descamps, elle est à l'école des hautes études, c'est-à-dire là encore à la périphérie. Donc ça continue, ça s'intègre dans un ensemble plus vaste, mais je suis peut-être un peu pessimiste, oui. Je ne pense pas qu'en France, et c'est un peu dommage, parce que c'est complètement admis ailleurs, je pense pas qu'en France ce soit totalement et pleinement reconnu. Et je crois que vous avez raison, Evelyne, c'est vrai aussi pour l'image, même s'il y a eu beaucoup de gens qui continuent, qui se rendent compte que c'est important, l'image. Oui. Et aux États-Unis et en Angleterre, et en Italie aussi, selon ce que vous savez, tradition continue. En particulier aux États-Unis, ça reste très très fort. Il y a toutes les années un congrès sur des sujets prenant les événements les attentats du 11 septembre ont donné lieu à une très importante opération immédiate. Ouais. De même que moi j'avais été frappé en 78 aux États-Unis que la guerre du Vietnam venait de se terminer, immédiatement on interrogeait les témoins. Ouais. Alors, vous voyez, pour nuancer quand même, dans l'opération du 11 septembre, je suis heureux de voir que quelqu'un comme Denis Péchanski s'est complètement investi. Donc, vous voyez, il y a quand même un effort de collaboration franco-américaine. Entre les deux. Si je peux me permettre, il y a une région dans le monde qui se développe énormément l'histoire orale, c'est l'Amérique latine. Le Brésil. Oui, mais ils avaient été un peu pionniers aussi. Oscar Lewis, par exemple. Oscar Lewis, oui, c'est normal. Il y avait toute une tradition de l'Amérique latine, mais alors là, qui a explosé. En particulier pour des grands sujets comme les paysans sans terre. Et de façon assez systématique, les Brésiliens maintenant font des enquêtes orales et utilisent la source orale. Autrement dit, un monde en développement. Voilà. Et dont il est très intéressant de voir les différences culturelles, d'une certaine manière. Alors, Evelyne Cohen, vous avez publié ce numéro dirigé avec Marie-France Chambat-Houillon, ce numéro de la revue Société Représentation, dont vous allez d'ailleurs nous dire un mot. C'est le numéro 35, printemps 2013, et il s'appelle « Archives et patrimoine visuel et sonore. Et dans, vous faites véritablement une mise au point de tous les problèmes qui peuvent se poser à propos de ces nouvelles archives. Alors, comment et pourquoi avez-vous publié ce numéro? Qu'est-ce que l'on trouve et quels sont, on va voir, les problèmes que l'on aborde? D'abord, dire un mot de la revue Société et Représentation, qui est une revue dirigée par Myriam Tsikounas et Bertrand Tillier. Myriam Tsikounas étant entre l'histoire et les sciences de la communication, et Bertrand Tillier étant historien d'art. Donc ce sont des disciplines qui s'intéressent plus particulièrement à ce type de sources. Cette revue Société et Représentation, justement, s'intéresse aussi beaucoup aux liens entre les images et les représentations. C'est une de ses caractéristiques fondamentales. Donc il nous a semblé que le moment était venu, finalement, puisque nous-mêmes nous étions... On peut dire qu'il existe dans ces champs des véritables réseaux de chercheurs. Finalement, nous avons l'habitude de travailler ensemble avec Marilyn Crivello à Aix-en-Provence, l'UMR Télème, avec Anne-Marie Granier-Abissé dont vous avez parlé à Grenoble, le Master Histoire et Audiovisuel de Paris 1, Myriam Tsikounas, etc. Finalement, cela avait un sens de réunir l'ensemble de ces recherches et de montrer l'état où nous en sommes et en même temps les difficultés que nous rencontrons. Et en même temps, c'est toujours un petit peu un combat pour la légitimité, finalement, pour qu'on comprenne que, si vous voulez, par exemple, quand nous travaillons sur la télévision, nous ne nous contentons pas de regarder la télévision enfermée dans une pièce, mais qu'il s'agit d'un travail de mise à jour de sources, de constitution de corpus, de confrontation avec l'écrit, etc., etc. Donc, si vous voulez, expliciter, finalement, tout ce travail et tout ce chemin parcouru, on peut dire, depuis, grosso modo, à peu près les années 80. Oui, c'est ça. Ce numéro est très précieux parce que justement, il fait le point sur chacune de ses sources. Avant la télévision, il y eut la radio. Mmh. Et au fond, personne ne sait exactement les archives de la radio. Je ne sais pas comment employer d'ailleurs l'expression. Où sont-elles et quelle utilisation en a été faite ou peut-on en faire ? Alors, les archives de la radio, pour ce qui concerne la radio publique, et puis maintenant, pour ce qui concerne la radio depuis la mise en place du dépôt légal des sources audiovisuelles à partir de la loi de 1992, tout ceci est déposé, enregistré, numérisé à l'Institut national de l'audiovisuel. À l'INA. L'INA, voilà. Il y a eu un grand tournant, on peut dire, qui a été pris, qui correspond à ces fameuses années 70-80 qui sont assez décisives dans ce secteur. Oui. Quand l'ORTF a cessé d'exister, et à ce moment-là, il y a même une petite légende qui circule là-dessus, on s'est dit, mais tout d'un coup, on a pensé au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et a été créé comme ça l'Institut national de l'audiovisuel. Auparavant, il n'y avait pas de lieu de consultation et si on voulait utiliser des archives, c'était extrêmement cher. Quelle est la date de création de l'INA ? Pouvez-vous nous le rappeler ? 1974. 1974. C'est toujours ce qui est intéressant, cette fameuse décennie d'émergence de la mémoire. Oui, ça c'est très très intéressant. Donc, il y a eu des historiens en France pour saisir la balle au bon, on peut dire. Et en particulier, c'est le rôle qu'a joué Jean-Noël Jeannenet, qui a tout à fait eu conscience que là, il y avait un matériau pour l'histoire. Et c'est intéressant que ce soit venu du côté des sciences politiques d'abord. Donc, à l'heure actuelle, même les vieilles émissions de l'ORTF, on peut les consulter à l'INA. Oui. Et il y a d'autre part des possibilités pour le grand public d'accéder à une petite partie de ces sources à travers des sites comme INA.fr qui ont été mis en place plus récemment, etc. Mais en allant à l'INATEC, qui est un lieu à l'intérieur de la Bibliothèque nationale de France, ou dans les délégations régionales, c'est-à-dire que c'est pas simplement parisien, hein, mais aussi bien à Marseille, à Lyon, etc., etc. Donc dans les délégations régionales, on peut consulter à partir de d'un ordinateur ses sources. Vous parliez de la radio. La radio, disons que ce sont des massifs importants, mais comme il y a aussi la radio privée, donc on n'a pas toute cette arriérée. Maintenant, on l'a depuis les années 90, mais le travail sur la radio est, disons, un peu moins avancé. Mais comme vous avez peut-être pu le lire dans Société et Représentation, il y a des travaux qui sont en train de se mener sur la radio scolaire, par exemple. Pascal Horry tient un séminaire sur la radio, etc. Et la télévision, alors ? La télévision, c'est son immense production. Quelle est l'histoire des archives de la télévision ? Alors, l'histoire des archives de la télévision, d'une part, disons qu'il y avait des centres de documentation à l'intérieur même de l'ORTF, des documentalistes qui rassemblaient, mais c'était pour des usages professionnels. Donc, à partir du moment où c'était pour des usages professionnels, on pouvait éventuellement prendre ses ciseaux, découper le morceau qui convenait, etc., etc. À partir de 1974, et donc de la création de l'INA, puis de l'INATEC, qui est le lieu de consultation, il y a eu beaucoup plus de respect, justement, pour l'ensemble de ces fragments. Alors, par exemple, il y a des périodes où on n'a pas de journal télévisé intégralement conservé, hein, où on en a très, très peu. Hein. Donc, on commence véritablement à avoir des journaux télévisés beaucoup plus à partir des années 60. Quoi. Donc, les premiers, on a des sujets des journaux télévisés. Et il y a tout un travail, finalement, d'identification que nous avons commencé à faire, en particulier avec Marie-Françoise Lévy, à un moment donné, dans les années 90. Nous avons fait une collection qui s'appelait « Images du temps présent ». Donc, justement, c'était en relation avec les historiens du temps présent. « Images du temps présent à la télévision ». Et là, il s'agissait finalement d'identifier telle et telle source, de savoir si l'intervention de Le Canuet était faite à tel moment ou si c'était une répétition, etc. Exactement un travail d'archiviste. Et d'ailleurs, les archivistes de l'École des Chartes, quand même, ont joué un rôle important à ce stade. Les archivistes de l'École des Chartes. De l'École des Chartes. Ils ont une formation importante. On a trouvé à l'INA, par exemple, des gens comme Francis Denel, qui venaient de l'École des Chartes et qui ont mis à profit, justement, leur savoir, si vous voulez, expert. Ce qui me permet de vous interrompre. Philippe Joutard. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, il y a une sorte de parallélisme et de lien étroit entre les gens qui s'intéressent aux sources orales et aux sources de l'image. Et je crois que c'est tout à fait normal parce que, alors, il y a une règle absolue, c'est que la mémoire se fixe par l'image. Et donc, c'est complètement normal que les deux soient liés. Et là, vous avez relevé une fois de plus le caractère extrêmement dynamique des archivistes, beaucoup plus à l'écoute de la nouveauté, je dois le dire malheureusement, que les historiens. Oui, salons les archivistes, ils ont joué un rôle considérable. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la mémoire se fixe par l'image. D'un côté, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est quand même que, par exemple, les téléspectateurs se souviennent de certaines images et de certaines émissions qui ne sont pas forcément celles qui étaient les plus regardées à l'époque. C'est vrai. Par exemple, on va prendre un grand exemple qui est très connu, hein, 5 colonnes à la une, le magazine célèbre de Lazareff. Bien célèbre, magazine de grand reportage. Pierre Lazareff, Pierre Desraux, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. On a oublié qu'il y avait des périodes d'ennui absolument incroyables. Et on se rappelle des grandes émissions de 5 colonnes à la une. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une jeune historienne qui vient de soutenir sa thèse, qui écrit d'ailleurs dans ce numéro de Société et Représentation, qui s'appelle Géraldine Pouls. Géraldine Pouls a étudié justement la réception, l'histoire de la réception, la naissance du téléspectateur. Et donc, elle montre comment, justement, alors, c'est une formulation que, justement, vous renierez peut-être, l'histoire contredit la mémoire. Ah non, pas du tout. Non, alors là, on va y venir, mais ça arrive. C'est même, justement, son rôle de bousculer la mémoire. Les premières grandes utilisations par des historiens, peut-être vous allez me contredire, je pense aux émissions de Marc Ferraud, Histoire parallèle, quand il prenait systématiquement les actualités allemandes, françaises ou autres, mais c'était quand même allemand et français surtout, pendant la dernière guerre, pour les comparer avec un regard critique absolument passionnant. Enfin, tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avant ou est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte fondateur ? D'autres choses avant à la télévision comme ça, on peut considérer, je pense, que c'est un acte fondateur et que Marc Ferraud a été, de ce point de vue-là, un passeur. Hein. Oui. Il a été un passeur, d'une part parce que, quand même, il a donné les matériaux pour l'analyse de films, quoi, oui, fondamentalement, et il a donné le goût, je crois, de ses archives, finalement, à énormément de monde. Oui, donc je crois qu'il a eu un rôle absolument stratégique. Il a intégré l'image aux sources des historiens, voilà, aussi bien les images d'actualité télévision que le film lui-même. Dans le séminaire qu'il y avait à l'école des hautes études, il a appris aux gens à analyser véritablement un film. Moi, je l'avais invité à Paris 7 pour justement qu'il montre ça aux étudiants à Jussieu, et c'était totalement nouveau d'être devant un écran et de regarder comment on pouvait analyser des images de films. Moi, j'utilise toujours avec mes étudiants l'article de Marc Ferraud, le film « Une contre-analyse de la société ». Voilà. Pourquoi une contre-analyse ? Parce que justement, ce n'est pas ce que l'on voit au premier degré, parce que précisément interviennent le contexte dans lequel l'émission a été tournée, elle a été diffusée, etc. Donc, il y a finalement aussi l'élément contextuel de la production et de la réception qui rentre en ligne de compte. Et c'est ce que Ferraud a, à mon avis, très très bien montré. Oui. C'est-à-dire que le film, il parle autant de ce qu'il filme que ce qu'on sait maintenant très bien. Même de ce qu'il ne dit pas. Voilà. Voilà, exactement. Alors, à propos du dépôt légal, il y a dans le numéro que nous avons cité un article très intéressant sur le fonctionnement du dépôt légal. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'histoire du dépôt légal, enfin, et comment ça fonctionne pour les sources audiovisuelles ? Qui justement, je crois, le dépôt légal, c'est une tradition profondément française, patrimonial. Frédéric Sabi qui fait l'histoire du dépôt légal depuis François Ier, le dépôt légal donc des sources, des imprimés, et avec cette idée qui est très importante et qui est restée dans toutes les opérations de dépôt légal, qu'on dépose l'imprimé, puis le son, puis l'audiovisuel, puis l'internet, à partir du moment où c'est mis à la disposition d'un public. Donc c'est l'idée que justement il faut conserver pour le patrimoine national finalement ce qui a été mis par des moyens de communication, quel que soit le support finalement. Oui, hein, quel que soit le support. Quel que soit le support. Et donc, il y a des étapes très importantes. Par exemple, le moment du dépôt légal du son, avec le rôle qui a été joué par... il y a toujours des personnalités qui jouent un rôle important, qui ont plus conscience. Donc, Eugène Morel... Oui, c'était beaucoup. Voilà. Oui, oui. Et donc, Eugène Morel a contribué à ce qu'à la Bibliothèque nationale, justement, il y ait le dépôt du son. Aujourd'hui, par exemple, à la Bibliothèque nationale, il y a le dépôt des jeux vidéo. Ah oui, dépôt des jeux vidéo. Voilà. Et parmi les sources que vous citez, il y en a qui sont évidemment antérieures à 14 du point de vue. Vous parlez beaucoup, enfin, il y a un article sur Sarah Bernhardt, oui, et la voix formidable, de Sarah Bernhardt. Formidable, c'est formidable. Tout à fait. Oui. Tout à fait passionnant. De Marie-Madeleine Mervanroux. Oui. Donc, elle montre que les enregistrements qu'on a de la voix de Sarah Bernhardt n'ont pas forcément été analysés dans les conditions adéquates. Et que on a attribué justement la voix qu'elle avait au fait qu'elle ne pouvait pas supporter d'entendre elle-même sa propre voix. Et donc on n'a pas tenu compte aussi, et c'est pour ça que Marie-Madeleine Mervanroux insiste sur la nécessité des protocoles d'écoute, on n'a pas tenu compte du type d'appareil qui existait, de l'expérience que Sarah Bernhardt avait elle-même des enregistrements, etc. Et donc elle insiste beaucoup sur la nécessité de restituer les conditions d'écoute autant que faire se peut. Comme des fils unites, aimez vos ennemis, vous serez mes amis, aimez beaucoup pour que je sois bon fourni, aimez encore, aimez toujours, aimez quand même, aimez-vous bien les uns les autres, il faut sacrifier sa vie à son amour, Moi, je vous montrerai comment on aime un jour. Amour, n'ayez que de l'amour dans la poitrine, aimez-vous. On peut évidemment se poser des questions. Peut-on véritablement entendre les voix du passé, alors au sens physique du terme? L'image, bon, elle bouge aussi, mais enfin, on a l'impression qu'on peut tout de même les fixer à travers le temps. Et là où on retrouve nos certitudes, c'est avec l'écrit. On se dit que là, l'écrit, on s'y accroche et qu'on l'a. Mais en fait, en réalité, tout est difficile du point de vue de l'interprétation. Alors, l'Internet, comment ça se passe pour ce monde de l'Internet qui est récent, qui multiplie? On a l'impression avec l'Internet qu'on enregistre tout, mais qu'au fond, on n'aura peut-être rien. Que c'est fluide. Moi, je suis très frappée avec les jeunes, disons, qui prennent constamment des photos, alors l'appareil photo, l'Internet, mais on n'a plus d'album. On n'arrive pas à fixer les choses. Mm-hmm. Comment ça se passe avec les images et les écrits de l'Internet? Il me semble que c'est très, très important, cette question. Et je pense qu'elle devrait occuper beaucoup d'historiens aujourd'hui. Je suis complètement d'accord. Voilà, parce que, une des extensions, justement, du dépôt légal, c'est cette loi d'Avzy qui fait que depuis 2006, il y a un dépôt légal de l'Internet partagé entre l'Internet français, partagé entre l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et la BNF. Les deux institutions sont obligées de s'entendre. Donc l'INA, de son côté, il y a tout ce qui est images animées. Hein, et la Bibliothèque nationale, c'est donc l'écrit. Ceci dit, on ne peut pas archiver tout. Donc du côté de la Bibliothèque nationale en particulier, il a été décidé de prendre des sortes d'instantanés du net à un moment donné. Et d'autre part, quand un chercheur, et quand on entend par chercheur y compris le simple citoyen qui veut avoir un objet de recherche, veut, si vous voulez, consulter l'Internet sur la thématique qui l'intéresse, eh bien la Bibliothèque nationale fait ce travail de collecte avec des robots moissonneurs. Les termes sont assez intéressants, cette idée de moisson. Hein. Ce qui est assez passionnant, et je crois qu'il est important pour les historiens d'aller, de se rendre directement pour voir ce que c'est qu'on peut interroger maintenant des bases de données en langage clair. En disant, ben voilà, je cherche femme 1918, etc. Et vous aurez ce qui, depuis maintenant à peu près les années 90, a été collecté. Alors, l'Internet, c'est beaucoup des liaisons, ce sont des liens. Hein. Donc, vous aurez une certaine couche de liens, pas tout, vous n'avez pas toute la ramification, mais vous avez beaucoup de choses. Et finalement, donc, ce sont d'énormes robots qui font ça, si vous voulez, ces collectes. Et on peut se demander, qu'allons-nous faire de toute cette mémoire? Oui, c'est ça. Et à mon avis, c'est une question qui est vraiment complètement fondamentale pour l'histoire à venir. Quoi. Oui. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une possibilité, véritablement. Vous voulez savoir que, par exemple, dans Kadhafi a campé dans le jardin de l'Élysée, cette image avait été censurée à un moment donné, on ne pouvait plus la voir, là vous allez la retrouver. Donc vous avez un matériau formidable. Formidable. Autrement dit, on voit bien que les sources de l'histoire dont nous parlions se sont multipliées, agrandies, considérables. Et du coup, Philippe Joutard, mémoire, histoire, c'est un problème central dans votre livre. Et qu'en est-il? Alors, qu'est-ce si vous que me permettez, vous avez... je veux réagir 30 secondes. Hein. J'ai été très heureux de savoir que les jeux vidéo faisait aussi partie du dépôt légal. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la transmission. Mais voyez à quel point ça change le rapport à l'histoire chez les jeunes. Car vous savez, bon nombre de ces jeux vidéo sont à base historique. Total War, etc. Donc à partir de là, les professeurs, quand ils font leur enseignement d'histoire, il y a une autre mémoire, c'est la mémoire des jeux vidéo chez leurs élèves. Et ça pose d'énormes problèmes. J'ai dit qu'on entend de toute ma fantaisie. Alors ici, le dernier corps de nuit, le français, qui tente de tenir. Alors ici, sur la colline, l'Autrichien a déployé la moitié de ses forces. Alors ici, je continue mon encerclement, ma infanterie légère est positionnée. Elle se place autour du village. Alors ici, au centre, on peut voir que mon infanterie légère arrive à stopper l'ennemi, avec beaucoup de pertes s'il en est. La deuxième remarque, je crois que vous avez tout à fait raison. Le problème du web change complètement, je crois, notre rapport aux sources. Car les sources deviennent tellement gigantesques, hein, à la différence par exemple des sources que nous avons médiocres, qu'on a parfois en histoire moderne, que vraiment le problème est qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces sources exponentielles. De ce point de vue-là, donc, les moteurs de recherche sont très importants. Et si je me permets de redire l'intérêt que j'ai trouvé à la lecture de votre livre collectif, c'est justement l'importance des renseignements que vous donnez sur ces moteurs de recherche et qui sont maintenant extrêmement efficaces. Ceci dit, hein, le problème de cet excès de sources pose le problème justement du rapport de plus en plus difficile entre histoire et mémoire. Voilà, et justement Philippe Joutard, vous abordez beaucoup cette question. Nous sommes débordés par le patrimoine d'une certaine manière. Absolument. Complètement. Et comment situer tout ça? Mémoire, histoire, quelle différence faites-vous? Alors, tout d'abord, on le sait, les mémoires, moi j'insiste énormément sur le pluriel, car tout le temps, on parle d'histoire, la mémoire. Il n'y a pas la mémoire, il y a les mémoires. Bon. Alors, ces mémoires, c'est toujours un rapport personnel, affectif, c'est le passé-présent. Et alors que l'histoire, et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, Internet est le contraire, l'histoire, c'est au contraire la distance. Hein. C'est de prendre du recul et de chercher, autant que faire se peut, hein, à ne rien oublier. Et après, à faire son choix, ce qu'il y a d'important ou pas important. Et alors, vous voyez, la difficulté, c'est que d'un côté, on a des profusions de mémoire au pluriel. L'historien doit tout prendre en compte, mais en même temps, après, faire un choix. C'est là une contradiction, hein, qui est, je crois, nouvelle, que nos prédécesseurs n'avaient pas. Et ça explique peut-être un peu, et ça excuse, si on peut dire, certains reculs de nos collègues. Le problème est tellement difficile, tellement complexe, qu'on a tendance à vouloir nier complètement l'intérêt des mémoires. Et donc, d'une certaine façon, à nier, par exemple, l'intérêt du web. Parce que, qu'est-ce que c'est que le web? C'est l'explosion aussi des mémoires. Chacun s'exprime, mais des mémoires instantanées. C'est-à-dire un événement chasse l'autre. C'est des mémoires successives. C'est-à-dire qu'on voit ici l'un des caractères extrêmement fragiles, hein, de la mémoire, c'est qu'aussi un événement peut remplacer un autre, hein, qui a à la fois des permanences, mais aussi des tas de phénomènes de disparition. Dans cette histoire des mémoires, comment situer la grande entreprise de Pierre Nora, lieu de mémoire, à laquelle vous consacrez beaucoup d'importance dans votre livre? Ah, tout à fait. Ça me paraît extrêmement important, d'abord parce qu'il est le premier à avoir bien vu qu'il y avait un changement et qu'il y avait l'avènement du règne de la mémoire généralisée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il a vu que de ce point de vue-là, cela changeait en France le rapport à l'histoire. Et donc, en particulier, c'était une nouvelle manière de faire de l'histoire que de faire de l'histoire par l'intermédiaire des mémoires. Il y a une sorte d'ailleurs de paradoxe, c'est que cet homme qui, en quelque sorte, voulait faire l'histoire du règne de la mémoire, devient lui-même objet d'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il voulait montrer que faire une sorte de distance par rapport à la commémoration, et il a encore accentué le phénomène de commémoration. C'est-à-dire qu'il a été lui-même, il le dit lui-même, victime, hein, de sa réussite. Oui. Et c'est tout ça qui me paraît fascinant. Hein. Avec l'ambiguïté, d'ailleurs qu'il accepte volontiers, c'est qu'est-ce qu'il y a sous la forme de mémoire qu'il étudie? Est-ce que ça n'est pas tout parfois la mémoire nationale, la mémoire institutionnelle? Qu'en est-il? des autres mémoires, au-dessous de la mémoire institutionnelle, les mémoires des groupes, les mémoires des femmes, les mémoires des juifs, de tous les petits groupes. Hein. Et là, évidemment, il y a parfois, non pas lui, mais parce qu'il en est bien conscient, mais la confusion entre mémoire nationale et les mémoires. Oui. C'est un des problèmes. Oui. L'ouvrage magnifique de Pierre Nora, qui a eu tellement de retentissement, est malgré tout d'abord centré sur la France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Pierre Nora a pourtant été un des, parmi les historiens, un des plus hostiles à l'idée d'une maison de l'histoire de France. Alors, je crois qu'il a eu entièrement raison. Alors là, oui. Sur ce point-là, oui. En tant qu'historien, je pense que la France, c'est une de ses caractéristiques et identités, a trop tendance, au point de vue étatique, ça fait partie des missions régaliennes, à gérer le passé, et il y a une partie de gestion du passé que je comprends parfaitement, pour l'unité nationale, qu'il ne faut pas lui donner la gestion d'une histoire de France, qui, on le veuille ou non, sera une histoire étatique. Et quelle que soit, j'allais dire, la qualité, qu'on ne met absolument pas en cause, des membres du comité scientifique, de son président et tous les participants qui s'en défendaient. Et je ne veux pas du tout les accuser. Mais là, il y avait une tendance sourde que je pense qu'on ne pouvait pas dépasser. Oui. Alors, il faut dire que les lieux de mémoire ont été imités en Italie, aux États-Unis, au Québec. Au Québec, ça semble avoir été assez réussi, semble-t-il. Ah, tout à fait. Parce qu'il y avait une proximité, peut-être. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui a surpris Pierre Nora, c'est qu'au Québec, paradoxalement, le Québec est un pays sans État. Puisque ce n'est que récemment qu'il a eu un certain nombre de caractéristiques de l'État, et encore dépendant quand même du Canada. C'est que le Québec est alors le pays qui a le plus été influencé par Nora et dans lequel la grande exposition mémoire est une exposition sans État, sans politique, ce qui montre bien d'ailleurs le caractère tout à fait, disons, qui est souple de cette conception des lieux de mémoire. Oui. Puisque c'est un lieu de mémoire sans rôle de l'État. Alors absolument. Qu'en France, et le grand livre de Nora le montre bien, ces lieux de mémoire sont pour l'essentiel les lieux de mémoire généré par l'État. Oui. Nous allons avoir beaucoup l'occasion de parler d'histoire et de mémoire dans cette année 2014 avec le centenaire de la guerre de 1914. Et on va être très frappé de l'importance des publications, des commémorations, et histoire et mémoire, ça va. Tout à fait, mais alors, encore important. Une fois, en étant très attentif à bien distinguer les niveaux de mémoire. Des camisards aux migrants, des sources écrites, orales, audiovisuelles et autres. Nous avons essayé de faire un bref parcours avec vous et je vous en remercie beaucoup. C'était les lundis de l'histoire. Présenté aujourd'hui par Michel Perrault, avec Evelyne Cohen et Philippe Joutard, prise de son Olivier Pasquier, réalisation Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis d'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir. Yeah.